beau coucher avec une autre. C'est à toi que je pense. C'est pas vraiment ma faute si je recule quand j'avance. Je cherche à t'oublier, mais rien ne pourra jamais de ma vie t'effacer. Les yeux dans les étoiles.